Du beurre et le boule de la crème. Ça vient des boifs, là où on te met des boifs, on te fait sauter au plafond, on arrive sur toi tout à fond. Ça vient des boifs, tout à fait, y'a que des têtes de fous. Quand t'es dans le fond, on s'en fout que t'étais peut-être devant. Ça vient des boifs, là où on te met des boifs, on te fait sauter au plafond, on arrive sur toi tout à fond. Ça vient des boifs, tout à fait, y'a que des têtes de fous. Quand t'es dans le fond, on s'en fout que t'étais peut-être devant. Ça vient des bois fonds. Ça vient des bois fonds.